danser en main en main, en panipon d'autre choix. Qu'elle est vive ça à contre guerre. L'air qu'a baigné un soleil en main. On qu'a bien fouégué ou qu'a prendre plaisir. Mais on pas ni bon d'autre choix encore. Qu'elle est vive de vous et moi, pour moi. Parce qu'elle ennuie tant qu'à veiller assis. À son panipon d'autre joie encore. Qu'elle est vive de vous et moi pour nous. Changer nos habitudes, tout en oubliant les mots